إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères et sœurs, qu'ils soient ici ou bien là-haut, de Allah devant nous, en deuxième partie du avec lui. Nous commençons pas, nous laissons continuer tous les lundis, mais l'ON de Ban Rappel, concernant Ban Sin, qui quand nous peut trouver vivant parmi nous, Ban Sin de Qiyama, qui surtout, quand nous guette de nos jours, c'est un de bonnes actions qui peut venir très courant. L'impossible, mauvais PLI, il n'y a pas une mauvaise action, ou bien l'impossible, mauvais PLI, il n'y a pas contre une mauvaise action. Mais seulement, c'est un pour mi-ban, si. Chers frères et sœurs, avant de nous rendre directement l'autre qui est avec nous pour aujourd'hui, il faut nous éclaircir un point. C'est qui point? Est-ce qui, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam interdit-nous une petite chose? Est-ce que cette petite chose-là, l'ivine haram directement, s'il nous plaît? Comprenez bien. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous vient pour enseigner nous, nous dit, chers frères et sœurs, il empêche-nous une petite chose. Quand il dit nous là, il dit sur un compagnon devant lui, les Jésus pas fait ça. Est-ce qu'il savait dire ta petite chose-là à partir de ta jour-là, il vient haram le sa oumala? Ou bien, si le prophète il dit une petite chose pas faire, c'est qu'il préféra pour sa dimouna, soit du bien et carirat, il pas faire. Mais, quand sa prophète-là dit « pas faire », ensuite, il vient avec ce colère, ou bien, il attache gravité sa action-là qu'on fait le concernant finition, qu'il y soit de Kabbal ou bien Akhira. Ou bien là, il vient interdiction. Pour nous plus comprendre ce qu'il nous fait redire, nous prenons pour l'exemple. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Banna, un de ban son compagnon, Abu Quhafa, radiallahu anhu, sa action-là prend place après la conquête de Makkah. L'état de Sahaba-là peut venir, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, première petite chose qu'il remarquait avec lui, il trouve sa Sahaba-là, après combien de temps il trouve là, la conquête de Makkah, il trouve son cheveu blanc. Tout ce cheveu blanc. Compris ce calqué, c'est sur la barbe. Tout de suite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jali, Ghayyiru hadha. Sans ça. Il donnait l'autre, lui non. Un l'autre. Est-ce que ça l'autre là veut dire si un dimoun qui est né, si pas cheveu blanc ou bien la barbe blanc, s'il n'est pas sensible, il est homme de péché. A dit ça, lui-là. Sa sahaba l'a fait venir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam trouve son cheveu ou bien son labor blanc. Les dit, il change ça. Sensible, il dit, sans couler là. La question qui vient, si demain, moi, mon conjoint, mon labor blanc, mon cheveu blanc. Là-bas, le prophète, il me dit, il me donne l'autre pour sensible. C'est ça qui nous fait guetter. En d'autres mots, chers frères et sœurs, le prophète dit, il dit, changer, oui, non. Mais s'il n'a pas envie de changer, est-ce qu'il tombe de péché? Mon labor blanc, on trouve pas que ça fait rire. Mon labor blanc, chers frères et sœurs, s'il ne veut pas changer, est-ce qu'il y a de péché? On lit bien. Le fait qu'il s'allote, qu'il reçoit sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous donne un compagnon, il n'y a pas d'attache encore quelque chose avec lui. Il n'y a pas d'attache encore quelque chose avec lui. Si pas, c'est pas son défaut arrive ça. Ou bien, il n'y a pas d'attache encore quelque chose avec lui. Si pas, par exemple, c'est pas son défaut arrive ça. Ou bien, il peut y avoir telle punition. Ou bien, pour arriver telle quelque chose. Ou bien, ça va pour faire autant du bien. Pareil, comment une fois qu'on trouve un premier soban compagnon dans son lamé, qui est dans la côte. Il dit qu'est-ce que c'est ça? Il dit min al wahina. Wahina c'est quoi? C'est concernant une maladie qui tient. Il dit ça pour protéger moi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit enlève ça. Wa in mitta wa huwa alayk. Si tu meurs ça, encore l'autre, l'un te flihu abada. Jamais tu ne vas réussir. Si tu meurs, ça la coude là. En coude de ton ami. Veut dire il y a une protection soi-disant pour toi. Connais jamais top gagne la réussite. Qui la réussite qui est après l'amour? C'est Janna. En d'autres mots, qui ne finit pas ça du monde confort. J'avais tout le monde de Janna. Parce qu'il te dit le shirk, c'est la cause de ton ami. Qui est la cause? Qui est la cause? Ton molo shirk. Jamais top groupe. Ici, les tonneaux guettés, ils n'empêchent les oui non. Ensuite, qui est attaché après ça? Il n'attache encore explication oui non. Là, nous connaissons, si sa action là n'est pas. Il n'y a pas gagné droit. Mais si le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit une parole, comment nous pouvons trouver la chère frère, les gens chantent ça, ensuite le prophète, pas de continuer. Pas de continuer, excepté qu'il peut montrer, il peut lui recommander si tu es capable de changer. Il peut recommander qu'il te change. Mais seulement si tu pas de changer, tu continues à te servir de la barbe blanc, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Sinon le prophète qui montre sur gravité, comme Alif explique à l'autre compagnon là, sa action qu'il vient de faire là. Ensuite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, cher frère, dans le même hadith, li diali wa tanibus sawad. Mais seulement, pas faire divine noir. Pas faire divine noir. Ce qui fait, au mouvement de moi, ni là. Et là, parmi les savants qui expliquent lui, fait nous connaître qui, le fait qu'il Rabbul Alamin, quand il crée nous, il finit créer nous avec cheveux noirs. Ensuite, avec l'âge, l'insensé, par de retour, une création, comment Allah finit amener, tout pas pour capable. Donc, fait lui venir nous couler, se rouler, mais par de faire comment? La création. C'est pour ça qu'on nous guette, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, achadu nas ul hadab yawm al qiyamah al musawwaroun. Dis-moi qui vous gagne plus de finition jour Qiyama, c'est ban qui? Ban dessinateur. Je dessine ban quelque chose qui est vivant. Ce qui fait un geste ça? Parce qu'il libère de retourne, création. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi ban explication, qui est là ban savant amené, qui fait un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vient dire, mais pas un nid noir seulement. Pas un nid noir, qui fait pas retourner comment Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, c'est juste Rabbul Alamin qui est capable de faire ça. Mais sinon, si tu trouves un CV blanc, tu as envie de changer, si tu pas changer, il fait un péché, et si un dimoun n'est changé, cher frère, sœur, apporte les noirs, connaît qu'il est permissible dans d'ordine. Il est permissible dans d'ordine. Mais c'est pas ça qui s'y crie à malala. Non, c'est pas ça. Il gagne droit à faire lire. Il gagne droit à faire lire. Mais seulement, avec qui l'intention de faire lire. Ça qui est point important, là. C'est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin, puis à akhir zaman, veut dire quand l'époque puis a terminé, zaman, les temps, puis a fini, se pour trouver ban vieux dimoun, on t'est pour paraître vieux. Se pour trouver ban vieux dimoun, on t'est pour paraître vieux. Chef, frère, qui fait mon commence pour hadith, concernant cheveux. Parce qu'attention, un qui qu'un pensé qui change ce cheveu ou bien sur la barbe blanc, c'est juste ça tout seul qui forme une bantine, qui fait que soi-disant, il va vivre une vie, il va vivre une vie. Non, pas juste ça tout seul qui est là. Pas juste ça tout seul qui est là. Au contraire, c'est dans là les prophètes nous recommandent pour changer. Demain, un qui qu'un, vous savez une vie blanche, on a envie de tenir. Qui devait quoi? Tu veux une zaine? Pas non, avec ça les prophètes, même une vie capable de changer. Pas ça à l'eau. Si tu cheveux là, ben le prophète, pas tu bouges sans sahaba là, là-bas, sans couler cheveux blancs là. C'est pas ça, pas cheveux là qui tient là à l'eau. Et Naaman, les autres petites choses, qui est attaché avec une grande personne. Quand on peut dire une grande personne, chers frères et sœurs, les finis arrivent à la cinquantaine, soixantaine. Mais seulement, quand vous guettez la personne, vous trouvez sa façon de causer. Sa façon, l'ibadini. Ce corum qui l'y virait. Ou qu'est-ce que vous avez? Qui l'a dit? Bandenez pour content, zot. Attention. Bandenez pour content, zot. Zot trouve un grand du monde, zot va dire, zot va dialogue longtemps, fait zot ce gouman, zot pour content, zot. Mais pour toi, grand du monde. Pour toi. Qui fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand tu peux être posé de la question quand il dit à lui, Ya Rasoulallah, qui s'en appelle le meilleur du monde? Lui dire, en c'est lui qui se lave puis avancer, dirait de l'obéissance à Allah. Parce qu'il donne nous dit, en dit qui se lâche puis avancer, chers frères et sœurs, qu'on est pour une appelée, je vais lire qu'un zénith. Donc je demande, mais non, parce qu'il y a des qui, cause concernant l'ombrage qu'on a Allah, il dit un zénith qui grandit de l'obéissance à Allah, livré. Mais ça pas veut dire qu'il zénith là, il faut tuer face à un grand du monde. Amen. Amen, chers frères. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui vini, lui rentre dans ma vie, lui trouve un sahaba devant lui. Lui dit, comme ça, qui n'arrive toi? Lui dit, Ya Rasoulallah, mon papa, tu as besoin de toi. Il dit, quand tu essaies, je m'en amène ni. Il dit, tu m'amènes ni? Il dit, oui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il t'a grandi, mon ami, comme ça. Moi, qui tu as besoin de toi. Lui vient le prophète. Lui vient le prophète. Le prophète trouve ça drôle. Comment ça vient du monde? Toi tu visais moi, tu ne vingues de moi, vis-à-vis moi si tu visais vingues de toi. Un grand du monde, j'avoue. Est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dialisa, de sa connaissance ni dérangé, ou bien c'était vraiment son hak ça, en tant qu'un grand du monde dans nos dînes, lui mérite sa privilège là. Il mérite, j'avoue. Il mérite. Quand tu viens arriver là, quand on a dit à Rasoulallah, mais qui ça n'a? Il dit, Al-Akbar, Al-Akbar. Ça qui plie grand qui gagne la parole. D'un majlis, d'une place qu'on peut accuser, premier qui prend la parole, c'est qui s'en a. Après, si nous dans la case qui gagne. La loi dit, si nous dans la case qui gagne, c'est propriété de la case qui causait. Lui qui vous décidez, bon, nous assise là-bas, qui pour moi avant, même quand tu es fin, tu peux faire, mais si nous envie, mais une fin vient de l'eau commencement. Sur l'entrée vient de l'eau. Donc, ça ne fait rien, parce que tout le monde dit, mais non, nous donne place neutre. De la place neutre, je suis une jeune, qui s'en a qui prend la parole? Un grand du monde, chef. Plus grand, parmi banna. Et comme ça, comme il a dit, montrez-nous, valait un grand. Oui, chers frères et sœurs, quand nous pouvons d'une autre façon, nous pouvons trouver, qui au fait nous dit, puis montrez-nous, puis nous donne valait un grand du monde, nous prenons lui de l'autre façon à dire, comment se fait-il, sa grand du monde-là, lui-même, lui honte, quand il devient grand, quand il arrive dans l'âge avancé. Quand la honte a trouvé là-dedans. Au contraire, les vignes drôles. Les vignes drôles qui, quand nous guettent d'ordine, déjà peut donner ce valet. Là-bas, les vignes honte vous montrer qu'il est vignes grand. Donc, chers frères et sœurs, hadith qui est avec nous pour aujourd'hui, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, parmi les signes qui nous connaissent jour qu'il puis approcher, c'est quoi? C'est ne vous trouve un grand du monde, qu'il y soit Michel ou bien madame, je te honte quand on arrive à un âge avancé. Je te honte quand je viens rentrer. Je ne sais pas de quoi nous dire, catégorie 3e âge. Au contraire, comme on peut rentrer de ça, niveau-là, chers frères et sœurs, et mon code dans l'obéissance à Allah, connais moi-même, mais il y a du monde qui n'a pas la fierté. Ce n'est pas une question de centième fierté, mais seulement cette question qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, gagner. Nous continuons pour nous dire, chers frères et sœurs, si nous posons une question, qui veut dire la famille? Est-ce que nous nous posons une question, qui veut dire une famille d'ordine? Et Nadi Moun Gadia, je vais manger la case, je vais inviter une famille. Le 240 de la paix. Et toute famille, tu sois là. Comment? Et moi, quand je vais venir, je vais obliger mon habitat. Comment ça? Ça compte, c'est là. Chers frères et sœurs, retournez-vous. Qui veut dire une famille de nous dire? Comment nous définir une famille? Quelle limite là était? Parce qu'il y en a encore pensé Så bo pia så tror du rislagan batatla? Fami sa, kuma. Du kan inte tunda batu kisim inte finland natur. Det vi talar folk lär vi bransa familj vi följer så. Three generation lär vi vinna. En premier, Danoudin, nous get en famille chef frères directement le lien mahram. Le mahram. Quand nous peut dire mahram, c'est moi, monsieur, moi garçon, pour sa bonne fille, pour sa bonne madame, qui m'a gagné droit à représenter cela, directement, cette famille à moi. Si moi, je suis mahram, c'est comment je ne peux pas être une famille à moi. Qu'il y soit mahram par lien parenté ou bien il y a mahram par mariage. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'eau, ça qui nous appelle surnom. Surnom. Nous disons bien, chers frères et sœurs, nous disons, nous sommes capables de trouver un surnom comme ça. Il y a l'importance de dire ça. À travers ça, ban qui porte même surnom avec moi, chers frères et sœurs, de dire, je viens de parler. C'est ça maintenant qui nous appelle famille. Ça maintenant qu'on appelle famille. Chaque fois nous dit ban first class. Ban qui me déboute mahram pour eux. Ou les contraires pour une fille, pour une madame, ban qui déboute mahram pour toi. En d'autres mots, moi, si fille, moi, madame, mon papa, ça ok, mon frère, mon comprend, mon garçon, mon connaît. Quand arrive l'autre étape, mon mamou, mon tcha-tcha. Combien de nièces par causer un mamou tcha-tcha. Pas causé. Ça, maman, là, ça dit, mais moi aussi, je vais pas mettre des devant sur la faute. De maman, ça, s'il vous plaît. Attention, c'est ton mahram. Dans toute famille, le fait qu'il est ton mahram, il n'est même plus collé là. Deuxième, les villes l'Oban qui n'a même sur nous avec toi. L'Oban qui n'a même sur nous avec toi. Ensuite, à partir de là, nous guettons nos mamans, nos papas. Troisième étape qui est venue, c'est nous guettons le nous maman, nous papa. L'impossible demain, et un petit qu'un de famille, qu'il soit côté mon maman, mon papa, chef frère et soeur, mon papa mahram pour lui. Il n'y a pas pour même si nous avec moi. Mais c'est moi, mon famille. Nous redire. Il n'y a pas mahram pour moi, ni mon mahram pour lui. Il n'y a pas même si nous avec moi. Mais c'est moi, mon famille, à l'exemple de mon cousine. Ou bien mon cousin. Ou ma femme pour lui. Mon calas au garçon. On y a nous-mêmes pour nous capter. Mon calas au garçon avec ce petit fille. Est-ce qu'il m'a femme pour moi? Mon cousin, pas ma femme, mon vanoyer pour lui. Si moi, mon insère, mon cousin la ma femme pour moi aussi, il va n'en rien pour lui. Mais seulement, mon cousin, il m'a femme pour mon maman, oui non. Il mahram pour mon maman. Gétien parenté la côte d'Ini, elle. Gétien parenté la côte d'Ini. Pareil, comment mon poupou, ce garçon, ce tifi. Pas non, rien pour moi. Mon poupou, ce garçon, ce tifi. Mais seulement, il restait, mon cousine, mon poupou, ce tifi. Mon papa, quand il y a des mahram pour lui, oui, non. Gétien parenté la côte d'Ini. Donc, je suis pressé que nous assistons, nous guettons ça, c'est là, c'est de là, si nous gagnons, nous pas dire, mais ça, mon cousin, ça pas mon famille, pas la cause, cousin qui est ton famille. Pas la cause cousin, la cause d'un mahram pour ton maman. C'est pour ça là. D'un mahram pour ton maman, à travers ça qui s'allie à parenté la vie. Chef frère, qui fait nous expliquer ça? Sans compter qu'il y a aujourd'hui dans nos sociétés, les temps nous pénant. Les temps nous pénant. Ça nous tourne dans quel bateau là? Comment lever grand matin? Ou bien imaginez-nous, tu fais le 1er janvier là? Tu fais le 1er janvier là, la rentrée scolaire, puis commence avec moi, résultat 6e, puis venir là, pour guetter à 5e. Un dialogue ça. Ou encore peut réfléchir, même si vous faites de l'avenir là. Encore peut réfléchir, si l'école pour avoir lui, il finit fait pour mine. Donc on peut calculer que l'école pour avoir lui là. Les temps là viennent toujours. Les temps là viennent toujours. Mais bien nous d'accord qui nous donne une situation, nous les temps même, puis appeler vite ce qu'ils nous pensaient. Chers frères et sœurs, mais seulement il y a ban du monde qui appelle mon ban famille. Nous commençons par ban mahram la même. Nous pas fait cause à ce que mon ban gagne le temps. Non, parce qu'en deux mois, nous connaissons mon ban. Mais nous fait cause le ban qui est ban mahram. Bon, pas envie de se dire. Il y a un problème avec eux. Comment il y a comme ça là? Ben, il y a, mashallah, moussali régulier. مصلي régulier. Ben là, mashallah, alhamdulillah. Ben là, mashallah. Oui, tu l'as dit, allez, ton dîme. Ça cause dîme. Quand tu as un hadith, mais seulement ton propre serre, ça n'a pas connu. Ça n'a pas fait namas, ça. Ça n'a pas fait namas. Quand on a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, mon papa pour une côte moi, est-ce qu'il est capable de recevoir lui ?» Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, « Il parle au même dîne avec toi. » Parce qu'il n'a pas non musulman, mais seulement, c'est ton maman, ton papa. C'est ton maman, ton papa. Moi, à Zodi, la cause, mon frère, mon sœur, pour une autre raison, mais seulement mon service à raison que moi, j'ai pas trop d'ordine. Aïe, tu vois le côté, la maison, je ne pas faire ça, ça ne peut pas faire compter ça quand c'est chez moi. Pour te profiter, te profiter. Te profiter, te profiter. Chef frère, pas prendre l'île en grand envergure. On l'île au nous-mêmes dans nos familles. Guette-moi, Michel, mon madame. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ahram pour mon madame? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont gagné le droit de vous m'ahram pour eux? Est-ce qu'il y a des parents là solides? Est-ce qu'il est solide? Qui nous veut faire l'autre? Qui nous peut faire qui c'est? Parce que, comme on nous finit de dire, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il cause une étape, ensuite il y a taf, une finition avec lui, ou bien un avertissement, nous connaissons ça qui est violent, qui grave. Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est lui qui pagode sa lien parenté là, lui pas pour gagner parfum d'Yannan. Et dans l'autre hadith, il dit, et parfum d'Yannan nous gagne une distance de 70, ou bien dans notre hadith 40, ou bien dans notre hadith 100. 100 ans. Soit 40 ans, soit 70 ans, soit 100, 100 ans. Le sa distance-là, une personne, il est capable d'amanzi, rosé d'arbre, hadji, tout y était. Mais seulement, sur la famille, je souligne la guerre. Je souligne la guerre. Ça dit mon cher frère et sœur, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de djanna, c'est mieux à gagner. Pour faire djanna la même, il n'y a pas pour, il n'y a pas pour gagner. Ça dit mon cher frère et sœur, pour Azodi, mon rappeur de Kozoli, il vient d'en errer pas là. Mais seulement, dites-moi, pour un moment, de tribunal Allah. L'in gagne problème en moi. Si il a des problèmes, il est capable de gagner en moi. Si la cause, il m'a accepté, puis il a dit djanna. Vous acceptez ça là? Prends-lui, il prend la pierre. Bon, tu dis, il prend mon papa sur la pierre, il n'a pas. Laisse-lui. Prends-lui de ce niveau là. Il cause moi pour tout. Mais la cause, ça qu'il fait là, moi. Vous acceptez de faire du djanna? Qui fait vous faire ça? Parce qu'il est possible, lui, s'il prend, nous dit bien, s'il prend, il fait non, il compte moi, parce qu'il ne fait qu'aucun moi. Mais moi qui peux compter Gordi dans les qui est là, moi je ne connais jamais ça. Mais qui fait, chef? Quand il y a une coquin moi là, Allah pas connaît une coquin moi? Allah pas fait justice avec moi? Allah subhanahu wa ta'ala pour laisser ça injustice là, aller même une coquin moi? Qui fait me compter Gordi à distance avec lui? Vine ta première personne qui casse sa boye là, chef. Vine ta première personne qui casse sa boye là. Qui fait? Juste pour qui, je ne pas venir à du monde qui ne pas gagner. Pas gagner pour faire de c'est tout. Moi, je vais faire ça pour me rendre correct avec toi. Pas faire ça, je vais dire là, nous venons coller à terre. Non. Ça qui donne une fin de faire. Tu connais bien. Mais seulement, je vais faire ça, la cause, je voulais gagner de l'argent. La cause, ça, mon téléphone, toi, aujourd'hui. Là. La cause, ça, mon téléphone, toi, pour prendre tes nouvelles, pour oublier le passé. Juste la cause, ça. Mais justice nous guide de finir Allah. Nous pouvons faire cause de gens loin. Commence par nos propres frères, nos propres sœurs. Attention, il y a avec nous-mêmes. Là. Attention, il y a avec nous-mêmes. Et dernier hadith qui est avec nous pour nous donner une deuxième partie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui coupe relation familiale, Allah subhanahu wa ta'ala dit, beaucoup plus séparé. Beaucoup plus séparé. Par qui t'a dit qui? La raison qui fait la famille des Syriens aujourd'hui. Parmi sa raison, je veux. Dites comment vous faire. Si pas inventer le manger, invite. Faire la première fois là. Faire sa première fois là. Allah subhanahu wa ta'ala connaît dans mon lycée que c'est mon fils, ça oui non. Il faut connaître, chef. Pas mon oulé, je trouve une côte, moi, je dirais, non, non, non. Ou Allah, mon oulé vraiment, c'est sa première pas là, afin qu'il ne te pas coupe moi. Quand veut dire coupe-nous là, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner nous depuis lui. Mais comment fait-nous la pierre? Si mon créateur même fin, éloigné avec moi. Donc, première partie de ça, deuxième hadith, là, chers frères et sœurs, c'est nous retournons, nous ne rien parenté. Nous ne rien parenté, nous ne mahram, nous, bonne famille, quand nous pouvons dire nous bonne famille, bonne qui n'a même sur nous, avec nous, pas de dire le résistant demain, hein? Non, bonne qui vous connaît, ça mon famille, ça mon problème au lit. Non, Inch'Allah, c'est car ça maintenant, mon père, ça là. J'ai fait quoi mon père? Mais qui pire? Non. Mon père, c'est la cause d'Allah, ensuite, des responsabilités de la mienne là. Ensuite, troisième, chers frères et sœurs, ban qui attaché avec nous, maman, papa, nous cassaboyer là. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait dire, amen, ban action familiale, l'eau, jour, qiyama, première chose qu'il dit, quand je trouve en la famille, une coupe étrancée. Coupe étrancée. Papa avait gagné des temps là, hein? Non, non, non. Ça peut gagner le temps, ça se tout pareil là. Mais même si gagne le temps là, chef, c'est pas causé. Pas causé. Ça c'est le premier parti qui vient de ce hadith là. Inch'Allah, l'autre semaine, nous avons deuxième parti, chef, frère, nous retournons avec nos droits. Quand nous pouvons dire droit, c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, quand nous trouvons une personne qui a un handicap clair physique. Hadith là, il est clair pour un chicken qui a un handicap physique, comment nous guetter nous trouver. Ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous dire Alhamdulillah illadhi rafani mimma btalaka bi. Tout est l'autre pour Allah. C'est lui, rafani, protège-moi. Qu'il soit physiquement ou bien la santé, mimma, depuis, ibtalaka, ibtilates, ka, toi, bihi, bi, avec, hi, périphère, le ça qui te fin gagner là. Ensuite, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit wa. Wa veut dire et. Wa dans le langage arabe, il veut dire et c'est. Mais seulement, la lettre wa, quand il vient dans une phrase en arabe, lui-même premier. Lui-même premier. Wa veut dire et. En anglais, et en dit. Veut dire nous connaissons bien une question avant. Ensuite, un kitso après, pour nous attacher tous les deux qui nous mettaient. Nous mettons et. Mais si nous trouvons voilà au commencement, mais on finit d'attacher. Comment il est capable de attacher? Oh donc, wow veut dire et. Mais, si nous trouvons lui, le premier mot, commencé par lui-même, il ne veut pas dire et. Il veut dire, c'est un mot. Wow, qui nous servit pour faire, clairement, sans qu'il m'en dise rien, c'est ça même qui nous donne l'imam, il y a deuxième rakat. Imam qui nous dit, trois chams, et Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il commence. Wa shamsi wa duhaha, wa al-qamari, pas veut dire, et là. Mais il veut dire, Allah fait, clairement l'eau là. Pareil, wa, un autre surah, qu'est-ce que c'est? Wa duha, divine première, oui non? Est-ce qu'il veut dire « et » Impossible parce qu'il vient premier. Ensuite, qu'est-ce que c'est ?« Wallay, wassim, wassama, idatil bour » Ça là, c'est. Dès tout ça, « voilà ». Voilà côté chef frère, voilà au commencement. Le fait qu'il voit au commencement dans une phrase, lui-même premier, non, là, tu ne vas pas dire « et » là. Là, non. Là, tu veux dire « c'est à moi ». Ça, « en ». Deuxième façon qu'il me connaît, qu'il veut dire « c'est à moi », c'est qui sa mot qui vient après Waoula, lui obligé prend Kassra. C'est pour ça que l'imam le dit Wa Shamsu wa duhaha. Tu m'as salué de sa gauche pour dire. Oui. Qui fait? Même si par contre, qui s'ouvre ça, mais le fait qu'il te commence par un wa te préfère serment, tu es obligé de dire Wa Sham, Wa Sama, Izatil Buruj. Pas que je n'ai pas calculé, mais il a I A de Quran. Le fait qu'il commence par un wow, c'est à mon cher frère et sœur, me connaît qu'il mot qui vient après là, lui obligé prend, lui obligé prend quatre fois. Ça quand il s'agit de wow qui vient au commencement de dans une phrase, dans un mot. Mais quand il y a un wow au milieu, il y a des petites choses attachées avec lui, là, il veut dire et. Qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne nous, là-haut, nous finissons reconnaître. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, me fait un faveur au moins, pas protège-moi. Qui faveur à l'intérieur au moins, il protège-moi. Je préfère faveur Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa dura-là, nous prouve de deux façons. Un, là-haut, il protège-moi. Ensuite, il dit, wa faddalani. Fa, dot, lam, nun, ye. Fadl. Fait, nous va dire, zalika fadlullah. Fadl qui veut dire, fait, dot, lam, il veut dire, faveur. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ça, c'est faveur Allah, lui donne. Ça qui? Ça qui lui oulé. Faveur Allah, chers frères et sœurs, tous les temps, ça a ayat là, quand nous trouvons un dimoun qui a une petite chose qui m'a payé là, mon esprit n'est plus un coup de mon lacet. Dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Vous connaissez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça? C'était comme un pauvre qui vient de dire, Ya Rasulallah, ban riche peut dépasser nous. Qu'est-ce que vous dire pour ça? Il dit, nous faisons un amas, je fais un amas. Nous gardons rosa, je garde rosa. Mais Ya Rasulallah, je donne la casse, je donne ça d'accord, nous faisons un casse, nous. De là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, mais après chaque namaz, c'est 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, ça coûte un sadaqa pour eux. Pour ça, subhanallah. Après namaz, on va en sujet. On va en risque pour eux. Mais qui est arrivé? De là, le prophète dit, c'est à l'époque-là, compétition, nous vivons, on voit quand tu étais là. Compétition, ce n'est pas on dit au Madrid. Compétition, c'est quoi? Dans Madrid, même là. Ban richesse qui dans sa master subhanallah aussi. Le temps ban pauvre je devrais dire nous regarder. Ya Rasulallah ban comment se préparer comment nous. Je suis avec un sadaqa fait avec ta vie de là que le prophète Jésus dalika fadlullah yufihi man yasha. Ça c'est pas vrai Allah ça. Il donne ça qu'il voulait. Yufihi man yasha. Chef ce qui fait mon bien nous bien comprendre. Qui fait mon pays bien comprendre ça. Parce que, quand il dit à moi, Allah lui donne ça qui lui ou lui. Ces enfants-là, ça dit mon âme devant moi, les handicapés, et moi, mon pays n'a pas handicap-là. Qui ça n'a fait ou lui ça? Allah. Mais Allah reconnaît-moi, oui, non. L'eau la pire, là, l'eau la pire. Allah reconnaît-moi, oui, non. Moi, quand il gagne un tracas, les 15 qui lui pour enterrer. Parce qu'il pourrait avoir 55 chefs d'État pour venir sur la mort. Pour une telle affaire, mais, souris, c'est une molle qui était. Il ne valait pas vous n'en rien. Non, cher blanc, le souligne n'est pas florissant. Mais, sa dernière dimoun qui reste dans Kaolin, si y en a iman, quand il mot, Allah reconnaît lui ou non. Mais quand Allah reconnaît une dimoun, cher frère, la société capable par connu. Dis-moi si on est capable de gagner 7 ou 8 dimoun. Si vous êtes souffert là-dedans, vous ne comprenez pas arriver là. Hein? Mais seulement devant Allah, qui c'est qui n'a plus valeur. Ça qui m'a bien compris. Qui appelle faveur Allah? Allah choisit à moi. Quand Allah choisit à moi, cher frère, Allah reconnaît moi le salaté là, oui non. Qui m'a bien dire? Qui m'a bien? Quand il dit Zalika Fadlullah, ça c'est faveur Allah. Il donne à celui qui lui voulait. Allah voulait ça pour moi, oui non. Mais faut dire comment vous voulez ça pour moi? Vous n'êtes faveur Allah, ce n'est pas une petite chose où je dirais venir. Bon. Comment dire, dans l'Afrique, vous venez de manger par hélicoptère, fané, ça qui gagne, gagne. Et l'hélicoptère, vous êtes manger. Tu vas comme ça, ça? Favé Allah, pas venu comme ça. Favé Allah, subhanahu wa ta'ala, lui vient à titre individuel. Ça qu'aime parmi nous. Allah vient couler ça pour nous, lui donne-nous ça. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa faddalani, fad veut dire favé. Ni, moi. Au fait, c'est juste il est là qui moi. Juste il est là. Mais seulement dans le langage arabe, nous pas dire fadli. Sinon, il y a une mot favir. Pour me dire, un kiken qui me donne moi la cause, nous ajoute un noun avec lui. Non, c'est un noun. Nous ajoute un noun. Sinon, il y a une mot favir. Fadolani veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, fin de moi favir. Deuxième façon, cher frère. Un noun reconnaît qu'il y a l'un protège moi, deuxième ligne de moi. C'est des petites choses. Parce que quand il me protège moi, contre qui il me protège moi? Contre une petite chose qui fait à moi? Du tout. Ensuite, quand il me donne moi, qui lui vous donne moi? Une petite chose qui fait à moi? du bien. Rête ça de là que moi sors ça. Chers frères et sœurs, quand nous sommes nous-mêmes là, comme il y a l'un de nous comme ça, alors. Comme il y a l'un de nous comme ça. Mais quand nous avons un premier mot qui vient de Haddoua là, Alhamdulillah. Mais si prend des fruits à ces là, jusqu'à nos mots, nous disons dit Alhamdulillah. Est-ce que nous pensons ça aussi vous suivez? Est-ce que nous pensons ça aussi vous suivez? Comment un des grands savants de l'islam, Ibn Qayyim, rahimahullah, lui dit, quand un des gens qui reconnaît faveur Allah le lit, ça me c'est un faveur. Ça me c'est un autre faveur, ça. On gagne un faveur, ensuite, mon récit reconnaît, et qu'il y a la lacune de moi, c'est un autre faveur, ça. Parce qu'il n'y a pas tout du monde qu'Allah donne d'autres récits reconnaît. Mais si moi, je pourrais m'y acheter, là, moi, je pourrais m'y acheter, pourquoi? L'une de moi. L'une fait moi reconnaître. Et l'une choisit à moi pour? Pour aimer chez lui. Dites la cause, un faveur. Dites-moi, il est venu à se dire. Dites-moi, il est venu, chef. Parce qu'il y a des gens qui ont un faveur. Il ne pas reconnaître Allah qui est il pas un faveur, il reconnaît Allah qui est donné. Mais seulement, il ne pas aimer chez Allah. Il ne pas aimer chez Allah. Ici, dans sa dua, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam permet de tout. Wa faddalani ala. Ala veut dire l'eau. L'eau quoi? Ala kathir. Beaucoup. Mimma, depuis, pareil comme un premier mimma qui tient. Mimma, mimma khalaqa, création. Khalaqa, simple, créé. Sa personne-là, il peut dire, après avoir qu'il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, il protège, il peut reconnaître qu'Allah finit de nier. Il donne quoi? Il donne moi. Quand on guette le surface, la terre. Comme il y a des gens qui ont été mouillés. Ça qui est le pays de nous, chers. Ça qui est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est entraîne-nous pour me rester inculpé dans moi, afin qu'il me comprenne, même moi, il y a 10 roupies dans mon poste. Je ne vais pas ça qui est 20 roupies là, mais je vais ça qui. Comme il y a là-bas, il y a 10 roupies dans la terre là. Combien, chers. Combien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa faddalani ala kathir mimma khalaqa tafdila. Et Allah nous demande beaucoup faveur comparé à toutes ces créatures qui finissent à miner de la pierre. Est-ce qu'il y mentit ça que les prophètes qui enseignent nous là? Est-ce qu'il y mentit ça que les prophètes qui enseignent nous là, chers frères? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa dua là, il peut montrer nous des parmi les grands faveurs qui Allah fait à nous. Elle nous protège nous. Il protège nous. Et deuxième, vraiment, il accorde nous beaucoup faveur. L'Oban les reste. De là, chers frères, ce n'est pas nécessaire à dire, nous trouvons un dimoun. Il faudrait qu'il y ait un handicap, mais quand on dit un dimoun, il y a un problème. Alhamdulillah, il l'a dit. Rafani, mim abtalak. Tout est l'eau, je Allah. C'est lui qui me protège. Moi, pour ça qu'il peut tester toi là. Wa faddalani ala kathiri mim khalaqa tafdila. Et l'ifine, fais-moi faveur. Comparé à toute sa créature-là, ça qu'appelle reconnaissance. Reconnaissance, chers frères. Quand moi, si je me guette, moi, je me comporte moi avec Banti au milieu de l'Afrique. Moi, millionnaire, oui, non? Quand moi, si je me guette, moi, je me comporte moi au Banti dans l'Inde. Moi, millionnaire, oui, non? Quand moi, si je me guette, moi, t'as l'air comme on rentre la cage, chers frères, sœurs, je vous fais coller là, parce que ça biscuit là, je parle, je un autre biscuit. Et mon fini dîner, qui est nos enfants, et nos enfants, le même la fille avec nous, puis attendent du monde, vient de notre maman, papa, afin que je remplisse notre testament, que je t'aille dormir. Le même la fille là. Puis attendent du monde, vient quitte pour maman, papa, pour que je capable remplir notre testament, pour que je t'aille dormir, là, je viens pour Piatan. Mais combien il y a l'un de moi comme ça? Combien Allah me demande, cher frère? Mais qui m'aurait fait alors? Qui m'aurait fait? Quand un sahab, un tabirin, une fois il vient avec un sahaba, il peut plein le soso, veut dire que tu es. Il dit, allez-moi accepter pour être toi, monsieur le malo, une condition. Combien te mettez pour te, pour dire l'argent, pour te donner moi un nigier avec toi, un nigier. Il dit, non. Et comme ça même, ce sahaba l'a continué, il vient avec lui, un les bras, un les pieds. Il dit, non. Qui fait de l'euro de mon membre, les cours? Il dit comme ça, me trouve dans toi des millions et des millions dinars. Tu as coupé plein? Tu as coupé plein? Zis Mazin, ça dit moun qui visait à l'opérer à l'extérieur, bien, pour viser ramasser 600 000, 800 000 pour l'Ida. pour yo faire en la grandir. Mais pendant toutes ces années qui peut aller là, combien 800 000 monde gagne cadeau moi? Combien monde gagne pour ça? Pour moi c'est une visite médicale. 1000 roupies. Plus son médecine. 800. Et moi c'est aussi. Un coût de visite à 1800. Mais pendant 40 ans, tu ne vis sans payer 1800. Tu vas reconnaître ça via là l'autre. Tu vas reconnaître. Juste à 1800 là. À 1800 ou bien une visite. Mais comment tu verras? Comment tu fais ça toi? Mais bien nous remorque, juste ça bout là, nous va rester trop ça 40 ans, 50 ans qui nous vont malade là, c'est vrai. Mais comment vous reconnaissez pas vers Allah le roi? Comment vous reconnaissez pas vers Allah subhanahu wa ta'ala le roi, c'est vrai? Quand il est arrivé le 23 dernier, 4 dernier, 5 dernier l'année, à partir de 60 ans, vous trouvez que vous êtes malade. Mais vous êtes moins malade ou bien vous êtes pendant 60 ans, vous êtes malade. Laquelle qui vous êtes? Mais comme il y a l'infini de moi? La reconnaissance, c'est vrai. La reconnaissance. Reconnaître ça qui Allah subhanahu wa ta'ala in de nous, il va nous donner risque. Wa fazzalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Et Allah in de moi, quelque chose qui va nous donner les autres créatures. Comme il y en a comme ça. Ça, c'est le premier devoir qu'il y a avec nous, chers frères. Donc, il y en a un texte qui est écrit à lui, ou bien qui est enregistré à lui. Essayez de faire une même devoir pour nous. Pour facile nous gagner, c'est quoi? C'est nous lier à lui. Redonne l'occasion pour que tous les jours nous restions liés à lui. Bon, mais passer, je trouve un SDF là aussi, mais. Oui, bon, ça grandit. Mais en même temps, à l'un de moi de la case, moi, oui, non. Yadouala, chef. Yadouala. À partir de là, je suis un celui qui, alhamdoulilah, Allah, il choisit à lui pour l'incon avec Allah. Il vient reconnaissant et il remercie Allah pour faire ce qu'il peut faire. Et Inch'Allah, l'autre semaine, la dernière rencontre, pour ça l'année là, et la prochaine fois qu'il nous vous joigne, c'est lundi, le 20 janvier 2014, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En passant, souris, un petit annonce, chers frères et sœurs, surtout pour Bansir. Sa dimanche-là, Inch'Allah, dans Rabita. Sa dimanche-là, Inch'Allah, Fouena, une journée de langage arabe. Bédia, Fouena Ban. Paroles, sketch, etc. en arabe, mais le but principal, c'est pour promouvoir le langage arabe. Le but principal, c'est pour promouvoir le langage arabe, surtout, juste pour les filles et les madames, surtout pour les filles et les madames. Zakoumoulokhe.